Voici votre bulletin régional. Le 11 août, de 12h30 à 15h30, au 56 rue Laurier à Istengis, se déroule un lavoto au profit des étincelles du bonheur. 10$ pour un lavage extérieur. Activité annulée en cas de pluie. Le groupe Mike Trio est en spectacle le 13 août dans le cadre des concerts de la gare à Istengis. C'est gratuit.